السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله على الهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، on a un hadith qui a été rapporté dans plusieurs kutub, dans les Sahihain et autres parmi les kutub des Sunan, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam raconte l'histoire d'un homme qui était chez les Bani Israël, c'est-à-dire avant sa venue. Kana ismuhu Julayj. Wa alaykum salam. Julayj. Kana Julayj min Ubad أدباع عيسى على الصحيح. فذات مرة كان يصلي فنادته أمه وهو في سومعته. Donc Jureyj, de ce que les ulama disent, c'était un des suiveurs de Isa alayhi salam. Et c'était un grand dévot dans l'adoration, connu dans son peuple. Et un jour, alors qu'il faisait salat dans son, on pourra dire une chapelle bâtie de terre, sa mère l'appela. فَكَانَ يَقُولُ هَلْ أُجِبْ أُمِّي أَوْ أَسْتَمِرْ فِي الصَّلَاةِ فَاسْتَمَرَ فِي صَلَاتِهِ. Donc il s'est dit, est-ce que je réponds à ma mère ou est-ce que je continue ma salat? Et finalement, il a décidé par continuer sa salat. فَنَدَتْهُ أُمُّهُ مِرَارًا. Sa mère l'a appelé plusieurs fois. وَمَا ذَلِكَ اسْتَمَرَ فِي صَلَاتِهِ. Et malgré cela, il continue dans sa salat. فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيهِ وَتُرِيهَ وُجُوحَ الْمُوسِمِ أَوْ مُوْمِسَاتِ. Qu'elle a dit, « Oh Allah, ne le fais pas mourir jusqu'à ce que tu lui montres le visage des fornicatrices. » Et Jureyj, كَانَ مَحْسُودًا عِنْدَ بَنِي إِسْرَائِيلِ. Il était jalousé. Car c'est un homme de piété, un homme de vertu, un homme de foi. فقالت امرأة لملائكة بني إسرائيل في ذلك الزمان لو أردتم لو شئتم لافتننه. Donc il y a une femme qui a dit aux notables de Bani Israël à cette époque, si vous voulez, moi je le séduis. Et ils ont dit, قتينا, on veut. Ils ont accepté. Donc elle s'est rendue auprès de lui. فأردت يعني عليه فهو أعرض عنها. Elle s'est exposée à lui. Il l'a regardée. Il s'est détourné d'elle. Quand elle a vu que son makr, قد فشل, elle a vu que ça a échoué. رجعت والتقت براعي في الطريق فأمكنته منها ثم حصل ما حصل. Et en se retournant vers chez elle, après avoir échoué auprès de Julayj, elle a rencontré un berger. Et elle lui a laissé l'occasion d'avoir des rapports. Et de là, elle tombe enceinte, quelques temps plus tard. فَوَرَدَتْ غُلَامًا فَسُئِلَتْ مِنْ أَيْنَ ذَا الْوَلَدِ. Donc après qu'elle ait accouché, les gens savaient qu'elle n'était pas mariée ni rien. Donc ils ont dit, cet enfant, il est de qui? Elle a dit, Julayj. Les gens se sont rendus auprès de lui, ils ont commencé à démolir sa chapelle, à l'insulter, à le frapper. فَقَالَ مَا لَكُمْ مَا شَأْنُكُمْ مَا حَصَلْ. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? قَالُوا قَدْ زِنْتَ بِي هَذِي مَرْأَةٌ. Tu as forniqué avec cette femme-là. Et là, il a dit, dans le sens, patienter. ذَهَبَ يَتَوَضَّأْ فَصَلَّ. Il a fait le roseau, puis il a fait la salat. ثم قال تعالوا بالغلام. Amenez l'enfant. Ils ont ramené l'enfant. أشار الولد بإصبعه فقال من أبوك. Avec son doigt, il a protégé l'enfant, il dit, qui est ton père? C'est un enfant, c'est un nouveau-né. فقال الغلام راعي. Le père, c'est le berger. Et de là, les gens ont été subjugués, choqués. Ils ont commencé à regretter ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit, ta chapelle, on te l'a rebâtie بذهب en or. Il a dit là. أعودها كما كانت بالطين. On bâtit cela comme elle était en terre, pas en or. Naam. À la base, ce hadith, il commence comment? Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que trois seulement nouveau-nés ont parlé à la naissance. Et ici, tu as parmi eux sept enfants. Donc le shahid de ce hadith, on en tire beaucoup de leçons. Mais à la wajil artisar, ماذا نرى أولا أن طاعة الأم مقدمة على النوافل. Là, on y voit que obéir à la mère, au père également, fil ma'aruf, tab'an, dans le convenable, cela prédomine sur l'adoration surrogatoire. Tu fais une adoration surrogatoire, ta mère t'appelle, demande de toi une chose qui est, t'as bien sûr, halal ou quoi, tu obéis à ta mère, ou à ton père. À tel point, que si elle se met en colère et qu'elle invoque, yustajab fik. Si elle se met en colère, même pour ça, à la base, tu faisais quoi une ibada, t'étais pas en train de faire une chose qui était mal, de base. Malgré cela, tu n'as pas écouté ta mère, elle invoque contre toi à ce moment-là. Pas tout ça, bi da'watiha. Tu peux t'atteindre de ça, de son invocation. Et il a été dit, d'ailleurs, au but de préciser que, là où da'at alayhi un yuftan, laftotin. Que si jamais elle avait invoqué, pas seulement qu'il voit le visage de ces femmes-là, mais qu'il soit éprouvé par elles, ça serait passé. Mais, alhamdulillah, bi rahmatiha, faqad dans le radam, malgré tout, elle a mis une limite à son dua, que juste qu'il voit leur visage. Donc on voit que cela est arrivé. On voit également que l'homme de piété est très jalousé par les siens. Et qu'il cherche, quand ils ont l'occasion, de le salir, de nuire à son image. Par jalousie. On y voit également le macre de la femme. Que cela est parmi votre complot, et votre complot est vraiment immense. Au point de la femme, il est immense. À part celle à qui Allah fait miséricorde par la piété. Mais on voit dedans le vice de la femme. Qu'elle aurait pu se contenter de dire j'ai échoué et s'en aller. Non. Elle a fait ce qu'elle a fait jusqu'au bout. Et malgré tout, elle continue à vouloir faire du mal à Juraïj. Elle est en tort de base. Elle a voulu le séduire. Alors qu'il n'a rien demandé. Il s'est détourné d'elle. Au lieu de se repentir, elle s'enfonce dans le mal. Elle va faire zina avec un homme. Elle se repentit de ce zina, non, elle tombe enceinte, et l'enfant, elle attribue à Juraïj. C'est-à-dire, jusqu'au bout. Elle lâche pas l'affaire. Comme on dit. Son but, c'est de faire du mal à Juraïj. Et Juraïj, qu'est-ce qu'il lui a fait? Rien du tout. Il ne l'a pas calculé, comme on dit. Et là, vous voyez également, un tambi pour les frères, souvent, qui sont sur le stikrama. On en avait parlé la dernière fois par rapport au kamis, tout ça, que c'est une himaya, une protection. Mais, lorsqu'une personne, ou la siyaman nissa, a une mauvaise idée en tête, elle peut frapper fort. Ça veut dire que si demain une femme voulait, Messalène, avoir à éprouver un frère sur le stikrama, comme on dit, ça tire le grand jeu directement. À pas faire des manières, ça va être une chose qui est vraiment, voilà, qui laissera pas le choix à la personne. Et d'ailleurs, vous le savez, dans le hadith des sept qui seront sous l'ombre d'Allah, Azzawajal, يوم لا ذل إلا ذله le jour où il n'y a pas d'autre homme que la sienne. من هؤلاء السبعة رجل دعته امرأة ذات جمال ونصب فقال لها أخاف الله. Que parmi ces sept là, cette catégorie de personnes, il y aura un homme qui aurait été séduit par une femme belle et de haut rang, et malgré tout, il aurait dit j'ai peur d'Allah. Pour dire que si une femme lance ce genre d'attaque contre un homme, fil ghalib ma yaslam. En général, il tient pas. D'où le fort de Youssouf, alayhi salam. Sur le Youssouf, son histoire est parmi les exemples à suivre. Et c'était un prophète, un rasoul, et pourtant il a peur pour lui malgré cela. Donc qu'en est-il de nous? Donc pour dire que malgré tout, faire attention aux marques de la femme. Ne crois pas que même si tu as, machallah, une belle barbe, un kamis, qu'il n'y a pas des femmes qui n'ont pas des idées bizarres en tête et se dire, le barbu c'est un défi pour moi. Et là, quand elle fait ça, elle y va fort. Donc attention. Attention à ça. Non. Kazalik, on y voit que les gens du khayr, à l'asaf, les gens pensent du mal de très très vite. Très très vite. Choufou, Adil Mar'a, c'était une femme. C'est elle qui a voulu séduire Juraïj. C'est lui qui s'est détourné d'elle. Et les gens, donc, ils ont entendu sa parole, tout de suite, ils l'ont cru. Ils auraient pu aller demander, on le connaît, c'est un homme de piété, c'est un homme de dévotion, c'est un homme d'adoration. Comment ils auraient pu faire ça? On va les demander. Non, ils sont allés direct. Ils ont cassé sa chapelle, ils l'ont insulté, ils l'ont frappé. Sans demander d'explication. Tout de suite, ils ont cru. C'est lui qui a demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Donc, faire attention aussi à ça. La personne, quand vous la connaissez à la base sur la taqwa, sur la salaire, et qu'il y a un khabar qui vous vient, une information qui contredit cela, la tastarjilu. Précipitez pas. Comme encore la ta'ala. Et ayu alazina amanu zedjaakum fasikum binaba'in fatabayenu. En tout suivant beaucoup man bijahalatin, Ou vous qui avez cru, si jamais un pervers vous vient avec une information, alors voyez-y clair. Ça veut dire vérifier, afin de ne pas atteindre un peuple, des gens, par ignorance, pour ensuite regretter par la suite. Comme ce qui s'est passé dans ce hadith, car ils ont regretté par la suite. Donc, quand vous connaissez des gens parmi vos frères, ou même parmi les sœurs qui sont la khair, vous entendez une information qui contredit ce que vous connaissez de base, la testardjilo. À croire ce qu'on vous dit automatiquement. Watafabbeto. Vérifiez l'information. On y voit également que, malheureusement, les gens de la masse, les awam, comme on dit, hum fil ghalib bayna tarafayn. Entre deux extrêmes. Quand ils t'aiment pas, ils dépassent les limites. Et quand ils t'aiment, également, ils dépassent les limites. Quand ils en ont voulu à Jureyh, qu'est-ce qu'ils ont fait automatiquement? Ils ont détruit ses biens, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté. Tajawuz an al-had. Vous voyez, an al-radab, ils n'ont pas été justes. Et quand ils ont su leur erreur, que Jureyh, finalement, était innocent, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Construire sa chapelle en or. Tajawuz bin Jadid. Une fois de plus, ils ont voulu en faire trop. Jureyh, remettez-la comme elle était, c'est-à-dire en terre. Donc, les éloges et les comportements des gens de la masse ignorants, attention. Quand ils font l'éloge, des fois, c'est démesuré. Et quand ils font le blâme également, c'est démesuré. Donc, ne pas se baser là-dessus. Les gens de la droiture, de la justesse, qui voient les choses claires. نعم. وكذلك نأخذ من الحديث انظروا إلى جريج كيف تصرف حينما جاءت المصيبة. Comment Jureyh s'est comporté lorsqu'il a vu cette injustice? Est-ce qu'il a commencé à crier au scandale, à dire je vais faire ceci, je me défends? La tawadda, il a fait wudu, wa salla, il a fait la salat. واستعينوا بالصبر والصلاة. Première chose dans ce genre d'épreuve, on revient à Allah Azza wa Jalla en premier lieu. Avant de penser aux asbab kawniyah, awalan al-ma'nawiyya bil ibada, en premier lieu tu reviens à Allah Azza wa Jalla, tu gardes ton calme autant que possible, wa tarji' ila Allah Azza wa Jalla. C'est ce qu'il a fait, il a fait l'udu, la salat. Après, il a dit amenez le ghulam, amenez l'enfant, et de là il a interrogé l'enfant, qui est ton père? Il aurait pu faire autre chose, mais lui il a commencé par quoi? En premier, la ibada, rujou' ila Allah, car il sait que c'est Allah qui va le sortir de là, pas fulan ou allan, Allah Azza wa Jalla faqat. فلهذا توضى وصلى ثم قال للغلام من أبوك. Il a fait le wudu, il a fait la salat, il a dit au ghulam qui est ton père. Et de là le ghulam il a dit Arai, le berger. Il a dit le berger. Naam. Fahad al-hadith, même s'il est assez court et assez, on va dire, bref, on pourrait en tirer beaucoup d'autres leçons. لكن أظن بهذا القدر فيه كفاية نتأمل كلنا في ذلك qu'on y fasse attention, qu'on médite, car ce sont des choses qui nous arrivent à tous à haut ou bas degré, personne n'est à l'abri que cela arrive, donc se rappeler ce genre de situation. وبهذا القدر نكتفي وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.